Section 5 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 5. Pendant que sa vie entière était l'objet des plus minutieuses investigations, Prosper était en prison, au secret. Les deux premières journées ne lui avaient pas paru trop longues. On lui avait, sur ses instances, donné quelques feuilles de papier, numérotées, dont il devait rendre compte. Et il écrivait avec une sorte de rage des plans de défense et des mémoires justificatifs. Le troisième jour, il commença à s'inquiéter de ne voir personne que les condamnés employés au service des secrets et le geôlier, chargé de lui apporter ses repas. « Est-ce qu'on ne va pas m'interroger de nouveau ?» demandait-il chaque fois. « Votre tour viendra, allez !» répondait invariablement le geôlier. Et le temps passait, et le malheureux torturé par les angoisses du secret, qui brise les plus énergiques natures, tombait dans le plus sombre désespoir. « Suis-je donc ici pour toujours ? » s'écriait-il. Non, on n'oubliait pas, car le lundi matin, à une heure où les geôliers ne venaient jamais, il entendit grincer les verrous de la cellule. D'un bond, il se dressa et courut vers la porte. Mais, à la vue d'un homme à cheveux blancs, debout sur le seuil, il fut comme foudroyé. « Mon père ! » balbutia-t-il. « Mon père ! Oui, votre père !» À la stupeur première de Prosper, un sentiment de joie immense avait succédé. C'est qu'un père, quoi qu'il arrive, est l'ami sur lequel on doit compter. Aux heures terribles, lorsque tout appui manque, on se souvient de cet homme sur lequel on s'appuyait étant enfant. Et alors même qu'il ne peut rien, sa présence rassure comme celle d'un protecteur tout-puissant. Sans réfléchir, entraîné par un élan d'effusion attendrie, Prosper ouvrit les bras comme pour se jeter au cou de son père. Monsieur Bertomy le repoussa durement. « Éloignez-vous, ordonna-t-il. » Il s'avança alors dans la cellule dont la porte se referma. Le père et le fils étaient seuls en présence. Prosper, brisé, anéanti. Monsieur Bertomy, irrité, presque menaçant. Repoussé par ce dernier ami, un père, le malheureux caissier parut se roidir contre une douleur atroce. « Vous aussi » s'écria-t-il. « Vous ? Vous me croyez coupable ?»« Épargnez-vous une comédie honteuse, » interrompit Monsieur Bertomy. « Je sais tout. Mais je suis innocent, mon père. Je vous le jure par la mémoire sacrée de ma mère. »« Malheureux !» s'écria Monsieur Bertomy. « Ne blasphémez pas !» Un irrésistible attendrissement le gagna. Et c'est d'une voix faible, presque inintelligible, qu'il ajouta. « Votre mère est morte, Prosper, et je ne savais pas qu'un jour viendrait où je bénirais Dieu de me l'avoir enlevée. Votre crime l'eût tué. » Il y eut un long silence. Enfin Prosper reprit. « Vous m'accablez, mon père, et cela au moment où j'ai besoin de tout mon courage, au moment où je suis victime de la plus odieuse machination. Victime ? » Fit Monsieur Bertomy. « Victime ? C'est-à-dire que vous essayez de flétrir de vos insinuations l'homme honorable et bon qui a pris soin de vous, qui vous a accablé de bienfaits, qui vous avait assuré une position brillante, qui vous préparait un avenir inespéré. C'est assez de l'avoir volé. Ne le calomniez pas. Par pitié, mon père, laissez-moi vous dire. Quoi ? Vous aligniez peut-être les bontés de votre patron ? Vous étiez cependant si sûr de son affection qu'un jour m'avait écrit, me disant de me préparer à faire le voyage de Paris pour demander à M. Faubel la main de sa nièce. Est-ce donc un mensonge ? Non, répondit Prosper d'une voix étouffée. Non ! Il y a un an de cela, vous aimiez Mademoiselle Madeleine, alors du moins vous me l'écriviez. Mais je l'aime, mon père, plus que jamais. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. M. Bertomy eut un geste de méprisante pitié. Vraiment ? S'écria-t-il. Et la pensée de la chaste et pure jeune fille que vous aimiez ne vous arrêtait pas au seuil de la débauche ? Vous l'aimiez ? Comment donc osiez-vous sans rougir vous présentez devant elle en quittant les flétrissantes compagnies qui étaient les vôtres. Au nom du ciel, laissez-moi vous expliquer par quelle fatalité, Madeleine. Assez, monsieur, assez. Je sais tout, je vous l'ai dit. J'ai vu votre patron hier. Ce matin, j'ai vu votre juge, et c'est à sa bonté que je dois d'avoir pu pénétrer jusqu'à vous. Savez-vous que j'ai dû, moi, me laisser fouiller, déshabiller presque, pour entrer ici? On pensait que je vous apportais une arme. Prosper n'essayait plus de lutter. Il s'était laissé tomber, désespéré, sur le tabouret de sa prison. J'ai vu votre appartement et j'ai compris votre crime. J'ai vu des tentures de soie à toutes les portes et des tableaux à cadres dorés le long de tous les murs. Chez mon père, les murs étaient blanchis à la chaux et il n'y avait qu'un fauteuil dans la maison, celui de ma mère. Notre lutte, c'était notre probité. Vous êtes le premier de la famille qui ayez eu des tapis d'Aubusson. Il est vrai que vous êtes le premier voleur qui se soit trouvé dans notre famille. À cette dernière insulte, le sang afflua aux joues de Prosper. Cependant, il ne bougea pas. « Mais il faut du luxe maintenant !» poursuivait M. Berthomy, s'animant et s'exaltant au bruit de ses paroles. « Il faut du luxe à tout prix !»« On veut l'opulence insolente et le faste du parvenu avant d'être parvenu !»« On entretient des maîtresses qui portent des mules de satin doublées de cygnes, comme celles que j'ai vues au pied de votre lit !»« Et on a des domestiques en livrée !»« Et on vole !» Et les banquiers en sont venus à n'oser plus confier à personne la clé de leur caisse. Et tous les matins, quelques vols inattendus couvrent de boue des familles honorables. Monsieur Berthomy s'arrêta brusquement. Il venait de s'apercevoir que son fils paraissait hors d'état de l'entendre. « Brisons-la, reprit-il. Je ne suis pas venu ici pour vous faire des reproches. Je suis venu pour sauver, s'il se peut, quelque chose de notre honneur. Pour empêcher qu'on imprime notre nom dans les journaux judiciaires, parmi les noms des voleurs et des assassins. Levez-vous et écoutez-moi. » À la voix impérieuse de son père, Prosper se dressa tout d'une pièce. Tant de coups successifs le réduisaient à cet état d'insensibilité farouche du misérable qui n'a plus rien à redouter. « Avant tout, commença M. Berthomy, combien vous reste-t-il encore des 350 000 francs que vous avez volés ?»« Encore une fois, mon père, » répondit l'infortuné avec un accent d'affreuse résignation. « Encore une fois, je suis innocent !»« Soit, je m'attendais à cette réponse. Ce sera donc notre famille qui réparera le préjudice causé par vous à votre patron. »« Comment ? Que voulez-vous dire ?» Le jour où il a appris votre crime, votre beau-frère est venu me rapporter la dot de votre sœur, 70 000 francs. J'ai pu réunir de mon côté 140 000 francs. C'est en tout 210 000 francs que j'ai là, sur moi, et je vais les aller porter à M. Fauvel. Cette menace tira Prosper de son anéantissement. « Vous ne ferez pas cela !» s'écria-t-il avec une violence mal contenue. « Je le ferai avant la fin de la journée. Pour le reste de la somme, M. Fauvel m'accordera du temps. Ma pension de retraite est de 1500 francs. Je puis vivre avec 500. Je suis encore assez fort pour remplir un emploi. De son côté, votre beau-frère... » M. Berthomy s'arrêta court, épouvanté de l'expression de la physionomie de son fils. Une colère si furieuse qu'elle tournait à la folie contractait ses traits. Ses yeux, tout à l'heure éteints, lançaient des éclairs. « Vous n'avez pas le droit, mon père, » s'écria-t-il. « Non, vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Libre à vous de refuser de me croire. Il vous est interdit de tenter une démarche qui serait un aveu et me perdrait. Qui vous assure que je suis coupable ? Quoi ? Lorsque la justice hésite, vous, mon père, vous n'hésitez pas ? Et plus impitoyable que la justice, vous me condamnez sans m'entendre ? Je remplirai mon devoir. C'est-à-dire que je suis au bord de l'abîme et que vous allez m'y précipiter. Est-ce là ce que vous appelez votre devoir ? Quoi ? Entre des étrangers qui m'accusent et moi qui vous crie que je suis innocent, vous ne balancez pas ? Pourquoi ? Est-ce parce que je suis votre fils ? Notre honneur est en péril, c'est vrai. Raison de plus pour me soutenir, pour m'aider à le défendre et à le sauver. » Prosper avait su trouver de ces accents qui font pénétrer le doute au plus profond des consciences et ébranlent les plus solides convictions. M. Berthomy était ému. « Cependant, murmura-t-il, tout vous accuse. Ah, mon père, c'est que vous ne savez pas qu'un jour j'ai dû fuir Madeleine. Il le fallait. J'étais désespéré, j'ai voulu m'étourdir. J'ai cherché l'oubli. J'ai trouvé le dégoût et la honte. Oh, Madeleine !» Il s'attendrissait. Mais bientôt, il reprit avec une violence croissante. « Tout est contre moi, peu importe. Je saurai me justifier ou périr à la tâche. La justice humaine est sujette à l'erreur. Innocent, je puis être condamné. Soit je subirai ma peine, mais on sort du bagne. Malheureux, que dites-vous ? Je dis, mon père, que je suis maintenant un autre homme. Ma vie a un but, désormais, la vengeance. » Je suis victime d'une machination infâme. Tant que j'aurai une goutte de sang dans les veines, j'en poursuivrai l'auteur, et je le trouverai. Il faudra bien qu'il expie mes tortures et mes angoisses. C'est de la maison Fauvel que parle le coup. C'est là qu'il faut chercher. Prenez garde, fit M. Berthomy. La colère vous égare. Oui, je vous comprends. Vous allez me vanter la probité de M. André Fauvel. Vous allez me dire que toutes les vertus se sont réfugiées au sein de cette famille patriarcale. Qu'en savez-vous ? Serait-ce la première fois que de beaux semblants d'honnêteté cacheraient les plus honteux secrets ? Pourquoi Madeleine m'a-t-elle un jour, tout à coup, défendue de songer à elle ? Pourquoi m'a-t-elle exilée, alors qu'elle souffre autant que moi de notre séparation ? Alors qu'elle m'aime encore, m'entendez-vous ? Bien qu'elle m'aime ! J'en suis sûr, j'en ai eu la preuve. L'heure accordée à M. Berthomy, pour un entretien avec son fils, était écoulée. Le geôlier vint l'en avertir. 1000 sentiments divers déchirait le cœur de ce père infortuné et lui ôtait toute liberté de réflexion. Si Prosper disait vrai pourtant, quels ne seraient pas plus tard ses remords d'avoir ajouté à son malheur déjà si grand? Et qui prouvait qu'il ne disait pas vrai? La voix de ce fils dont si longtemps il avait été fier avait réveillé en lui toutes les tendresses paternelles, violemment comprimées. Et fut-il coupable, et coupable d'un pire crime? En était-il moins son fils? Sa figure avait perdu toute sa sévérité. Ses yeux étaient brillants de larmes, prêts de s'échapper. Il voulait sortir grave et irrité, comme il était entré. Il n'eut pas ce courage cruel. Son cœur se brisa. Il ouvrit les bras et pressa Prosper contre sa poitrine. « Oh, mon fils » murmura-t-il en se retirant. « Puisses-tu avoir dit vrai ?» Prosper l'emportait. Il avait presque convaincu son père de son innocence. Mais il n'eut pas le temps de se réjouir de cette victoire. La porte de la cellule s'ouvrit presque aussitôt après s'être refermée. Et la voix du geôlier, comme la première fois, cria « Allons, monsieur, à l'instruction !» Il fallait obéir quand même. Il obéit. Mais sa démarche n'était plus celle des premiers jours. Un changement complet venait de s'opérer en lui. Il allait le front haut, d'un pas assuré, et le feu de la résolution éclatait dans ses yeux. Il connaissait le chemin maintenant, et il marchait un peu en avant du garde de Paris, qui l'accompagnait. Comme il traversait la petite salle basse, où se tiennent les agents et les gardes de service, il croisa cet homme à lunettes d'or, qui, dans la salle du greffe, l'avait fixé si longtemps. « Du courage, monsieur Prosper Berthomy, » lui dit ce personnage. « Si vous êtes innocent, on vous aidera. » Prosper, surpris, s'arrêta. Il cherchait une réponse, mais déjà, l'homme était passé. « Quel est ce monsieur ? » demanda-t-il au garde qui le suivait. « Quoi ? Vous ne le connaissez pas ?» répondit le garde d'un air de surprise profonde. « Mais c'est monsieur Lecoq, de la sûreté. »« Qui ça, Lecoq ? Vous pourriez bien dire monsieur, » fit le garde de Paris offensé. « Ça ne vous écorcherait pas la bouche. » « Monsieur Lecoq est un homme à qui on n'en compte pas, et qui sait tout ce qu'il veut savoir. Si vous l'aviez eu, au lieu de ce mielleux imbécile de Franferlot, votre affaire serait depuis longtemps réglée. Avec lui, on ne languit pas. Mais il a l'air d'être de vos connaissances. Je ne l'avais jamais vu avant le jour où on m'a amené ici. Il ne faudrait pas en jurer, parce que, voyez-vous, personne ne peut se vanter de connaître la vraie figure de Monsieur Lecoq. Il est ceci aujourd'hui et cela demain. Tantôt brun, tantôt blond, parfois tout jeune. D'autres fois si vieux qu'on lui donnerait 100 ans. Tenez, moi qui vous parle, il m'enfonce comme il veut. Je cause avec un inconnu, paf, c'est lui. N'importe qui peut être lui. On m'aurait dit que vous étiez lui, j'aurais répondu. C'est bien possible. Ah, il peut se vanter celui-là de faire tout ce qu'il veut de son corps. Le garde de Paris aurait longtemps encore poursuivi la légende de M. Lecoq, mais il arriva à être son prévenu à la galerie des juges d'instruction. Cette fois, Prosper n'eut pas à attendre sur l'humble banc de bois. Le juge, au contraire, l'attendait. C'était M. Patrigean, en effet, qui, en profond observateur des mouvements de l'âme humaine, avait ménagé cette entrevue de M. Berthomy et de son fils. Il était sûr qu'entre le père, cet homme à probité raide, et le fils, accusé de vol, une scène déchirante, lamentable aurait lieu, et il comptait que cette scène briserait Prosper. Il s'était dit qu'il mandrait aussitôt près de lui le prévenu, qu'il lui arriverait les nerfs vibrants d'émotions terribles, et qu'il arracherait la vérité à son trouble et à son désespoir. Il ne fut donc pas médiocrement surpris de l'attitude du caissier, attitude résolue sans roideur, fière et assurée, sans impertinence ni défi. « Eh bien, lui demanda-t-il tout d'abord, avez-vous réfléchi ? N'étant pas coupable, monsieur, je n'avais pas à réfléchir. »« Ah ! Fit le juge, la prison n'a pas été pour vous bonne conseillère. Vous avez oublié qu'il faut surtout sincérité et repentir, à qui veut mériter l'indulgence des juges. Je n'ai besoin, monsieur, ni d'indulgence ni de grâce. » M. Patrigean ne put retenir un geste de dépit. Il se tut un moment, puis tout à coup. « Que me répondriez-vous, fit-il, si je vous disais ce que sont devenus les 350 000 francs ?» Prosper secoua tristement la tête. « Si on le savait, répondit-il simplement, je serais en liberté, et non pas ici. » Le vulgaire moyen, employé par le juge d'instruction, réussit fort souvent. Mais ici, avec un prévenu si maître de soi, il n'avait guère de chance de succès. Cependant, il l'avait tenté à tout hasard. Ainsi, reprit-il, vous vous en tenez à votre premier système. Vous persistez à accuser votre patron, lui ou tout autre. Pardon, lui seul, puisque seul il avait le mot. Avait-il à se voler lui-même un intérêt quelconque ? J'ai cherché, monsieur, je ne lui en vois pas. Eh bien, prononça sévèrement le juge, je vais vous dire quel intérêt vous aviez, vous, à le voler. Monsieur Patrigean parlait en homme sûr de son fait, mais son assurance n'était qu'apparente. Il s'était préparé à frapper d'un dernier coup de massue, un prévenu qui lui arriverait pantelant. Il était dérouté de le voir si calme et si déterminé en sa résistance. « Voulez-vous me dire, commença-t-il d'un ton qui se ressentait de son dépit. « Pouvez-vous me dire combien vous avez dépensé depuis un an ?» Prosper n'eut besoin ni de réflexion ni de calcul. « Oui, monsieur, » répondit-il sans hésiter. « Les circonstances étaient telles que j'ai apporté le plus grand ordre à mon désordre. J'ai dépensé environ 50 000 francs. Et où les avez-vous pris ?»« D'abord, monsieur, je possédais 12 000 francs, provenant de la succession de ma mère. J'ai touché chez monsieur Fauvel, pour mes appointements et ma part d'intérêt dans les bénéfices, 14 000 francs. J'ai gagné à la bourse environ 8 000 francs. J'ai emprunté le reste, je le dois, mais je puis le payer, ayant chez monsieur Fauvel 15 000 francs à moi. » Le compte était net, précis, aisé à vérifier. Il devait être exact. Qui donc vous prêtait ainsi de l'argent? Monsieur Raoul de la Gorce. Ce témoin, parti pour un voyage le jour même du vol, n'avait pu être entendu. Force était à monsieur Patrigean de se rapporter, au moins pour le moment, à la déclaration de Prosper. Soit, dit-il, je n'insisterai pas sur ce point. Apprenez-moi pourquoi, malgré les ordres formels de votre patron, vous avez fait prendre l'argent à la banque la veille et non le jour même du remboursement? C'est que monsieur de Claméran m'avait fait savoir qu'il lui serait agréable, utile même, d'avoir ses fonds dès le matin. Il en témoignera si vous le faites appeler. D'un autre côté, je présumais que j'arriverais tard à mon bureau. Ce monsieur de Claméran est donc de vos amis? Aucunement. J'ai même ressenti pour lui une sorte de répulsion que rien ne justifie, je le déclare. Mais il est fort lié avec mon ami, monsieur de Lagorce. Pendant le temps assez long, indispensable à Sigolt, le greffier, pour écrire les réponses du prévenu, monsieur Patrigean se creusait la tête. Il se demandait quelle scène avait pu avoir lieu entre monsieur Berthomy et son fils pour transformer ainsi Prosper. Autre chose, reprit le juge d'instruction. Comment avez-vous passé votre soirée la veille du crime? Au sortir de mon bureau à 5 heures, j'ai pris le train de Saint-Germain et je me suis rendu au Vésinet, à la maison de campagne de monsieur Raoul de la Gorce. Je lui portais 1 500 francs qu'il m'avait demandé et qu'en son absence, j'ai laissé à son domestique. Vous a-t-on dit que monsieur de la Gorce dut entreprendre un voyage? Non, monsieur. J'ignore même s'il est absent de Paris. Fort bien. Et en sortant de chez votre ami, qu'avez-vous fait? Je suis revenu à Paris et j'ai dîné dans un des restaurants du boulevard avec un de mes amis. Et ensuite? Prosper hésita. Vous vous taisez, reprit monsieur Patrigean. Alors je vais vous dire l'emploi de votre temps. Vous êtes rentré chez vous, rue Chaptal, vous vous êtes habillé et vous vous êtes rendu à une soirée que donnait une de ces femmes qui s'intitule artiste dramatique et qui déshonore les théâtres sur lesquels elle se montre, qui ont 100 écus d'appointement et qui ont des chevaux et des voitures, chez la fille Wilson. C'est vrai, monsieur. On joue gros jeu chez la fille Wilson? Quelquefois. Du reste, vous avez l'habitude de ces sortes de réunions. Ne vous êtes-vous pas trouvé mêlé à une aventure scandaleuse qui avait eu lieu chez une femme de ce genre, nommée Crescenzi? C'est-à-dire que j'ai été appelé à déposer, ayant été témoin d'un vol. En effet, le jeu mène au vol. Et chez la fille Wilson, n'avez-vous pas joué au baccarat tournant et n'avez-vous pas perdu 1 800 francs? Pardon, monsieur, 1 100 seulement. Soit, vous aviez payé dans la matinée un billet de 1 000 francs. Oui, monsieur. De plus, il restait 500 francs dans votre secrétaire. Et quand on vous a arrêté, vous aviez dans votre porte-monnaie 400 francs. Soit en tout, en 24 heures, 4 500 francs. Prosper était non pas décontenancé, mais stupéfait. Ne se doutant pas des puissants moyens d'investigation dont dispose le parquet de Paris, il se demandait comment, en si peu de temps, le juge avait pu être si exactement renseigné. « Vos informations sont exactes, monsieur, » dit-il enfin. « D'où venait donc cet argent, alors que la veille même, vous étiez assez à court pour remettre le paiement d'une facture peu importante ?»« Monsieur, ce jour que vous dites, j'ai vendu par l'intermédiaire d'un agent de change quelques titres que j'avais, moyennant 3 000 francs. J'ai de plus pris, à ma caisse, en avance sur mes appointements, 2 000 francs. Je n'ai rien à dissimuler. » Décidément, le prévenu avait réponse à tout. Monsieur Patrigean dut chercher un autre point d'attaque. « Si vous n'aviez rien à cacher, dit-il, pourquoi ce billet ?» Il le montrait. « Jeté mystérieusement à un de vos collègues. » Le coup, cette fois, porta. Les yeux de Prosper vacillaient sous le regard du juge d'instruction. « Je pensais, » balbutia-t-il, « je voulais. » « Vous vouliez cacher votre maîtresse ?»« Eh bien oui, monsieur, c'est vrai. Je savais que lorsqu'un homme est, comme je le suis, accusé d'un crime, toutes les faiblesses, toutes les défaillances de sa vie deviennent des charges terribles. » C'est-à-dire que vous avez compris que la présence d'une femme chez vous donnait un poids énorme à l'accusation. Car vous vivez avec une femme. Je suis jeune, monsieur. Assez. La justice peut pardonner à des égarements passagers. Elle ne saurait excuser le scandale de ces unions, qui sont un défi permanent jeté à la morale publique. L'homme qui se respecte assez peu pour vivre avec une femme perdue n'élève pas cette femme jusqu'à lui. Il descend jusqu'à elle. Monsieur, vous savez, j'imagine, quelle est la femme à laquelle vous laissiez donner le nom honorable porté par votre mère? Madame Gypsy, monsieur, était institutrice lorsque je l'ai connue. Elle est née à Porto et est venue en France à la suite d'une famille portugaise. Le juge d'instruction haussa les épaules. « Elle ne s'appelle pas Gypsy, dit-il. Elle n'a jamais été institutrice. Elle n'est pas portugaise. » Prosper voulut protester, mais M. Patrigent lui imposa silence. Il cherchait parmi toutes les pièces contenues dans un énorme dossier, placé devant lui. « Ah, voilà, fit-il, écoutez. Palmyre Chocarel, née à Paris en 1840, fille de Chocarel, Jacques, employé aux pompes funèbres, et de Caroline Piedlan, sa femme. » Le prévenu eut un geste d'impatience. Il ne comprenait pas que le juge, en ce moment, tenait surtout à lui prouver que rien n'échappe à la police. « Palmyre Chocarel, continua-t-il, a été mise à 12 ans en apprentissage chez un fabricant de chaussures, et elle y est restée jusqu'à 16 ans. Les renseignements font défaut pendant une année. À 17 ans, elle entre en qualité de domestique chez les époux Dombas, épicier, rue Saint-Denis, et y reste 3 mois. Elle traverse cette même année, 1857, 8 ou 10 places. En 1858, lasse du service, elle entre comme demoiselle chez un marchand d'éventails du passage Choiseul. Tout en lisant, le juge d'instruction observait Prosper, cherchant sur son visage l'effet produit par ses révélations. À la fin de 1858, poursuivit-il, la fille Chocarel entre au service d'une dame Nunes et part avec elle pour Lisbonne. Combien de temps reste-t-elle en Portugal? Qu'y fait-elle? Mes rapports sont muets à cet égard. Ce qui est certain, c'est qu'en 1861, elle était de retour à Paris. Y était condamnée par le tribunal de la Seine à 3 mois de prison pour coups et blessures. Ah, elle rapportait de Portugal le nom de Nina Gypsy. Mais monsieur, s'écria Prosper, je vous assure. Oui, je comprends. Cette histoire est moins romanesque sans doute que celle qui vous a été contée. Elle a le mérite d'être vraie. Nous perdons Palmyre Chocarel, dite Gypsy, à sa sortie de prison. Mais nous le retrouvons 6 mois plus tard, ayant fait connaissance d'un commis voyageur nommé Caldas, qui s'était épris de sa beauté et lui avait meublé un appartement près de la Bastille. Elle vivait avec lui et portait son nom lorsqu'elle l'a quitté pour vous suivre. Avez-vous, oui, parlé de ce Caldas? Jamais, monsieur. Cet infortuné aimait tant cette créature qu'à la nouvelle de son abandon, il faillit devenir fou de douleur. C'était, paraît-il, un homme énergique, et il avait juré publiquement qu'il tuerait celui qui lui avait enlevé sa maîtresse. On a lieu de croire que depuis, il s'est suicidé. Ce qui est prouvé, c'est que peu après le départ de la fille Chocarel, il a vendu les meubles de l'appartement et a disparu. Tous les efforts faits pour retrouver ses traces ont été vains. Le juge d'instruction s'arrêta un moment, comme pour bien donner à Prosper le loisir de la réflexion. Et c'est en scandant tous ces mots qu'il ajouta « Voilà la femme dont vous aviez fait votre compagne, la femme pour laquelle vous avez volé. » Cette fois encore, mal servi par les renseignements incomplets de Fanferlot, M. Patrigent faisait fausse route. Il avait espéré arracher un cri à la passion de Prosper, blessé au vif. Point, il restait impassible. De tout ce qu'avait dit le juge, il n'avait retenu que le nom de ce pauvre commis-voyageur qui s'était suicidé, Caldas. « Avouez au moins, insista M. Patrigent, que cette fille a causé votre perte. Je ne saurais avouer cela, monsieur, car cela n'est pas. Elle a cependant été l'occasion de vos plus fortes dépenses. Et tenez, le juge tira une facture du dossier. Dans le seul mois de décembre dernier, vous avez payé pour elle, à un couturier, au sieur Von Koplen, 2 robes de ville, 900 francs, 1 robe de soirée, 700 francs, 1 domino garni de dentelle, 400 francs. Tout cet argent a été dépensé par moi librement, froidement, sans entraînement. » M. Patrigent haussa les épaules. « Vous niez l'évidence, fit-il. Souviendrez-vous aussi que ce n'est pas pour cette fille que vous avez renoncé des habitudes de plusieurs années et cessé de passer vos soirées chez votre patron? Ce n'est pas pour elle, monsieur, je vous l'affirme. Alors pourquoi tout à coup ne plus paraître dans une maison où vous sembliez faire votre cour à une jeune fille dont on vous eût accordé la main? M. Fauvel me l'a dit. Vous l'avez écrit à votre père. J'ai eu des raisons que je ne puis dire, répondit Prosper dont la voix trembla. Le juge respira. Enfin, il trouvait un défaut à l'armure du prévenu. Serait-ce mademoiselle Madeleine qui vous aurait éloigné? Demanda-t-il. Prosper garda le silence. Il était visiblement très agité. Parlez, insista M. Patrigent. Je dois vous prévenir que cette circonstance est des plus graves aux yeux de la prévention. Quel que soit le péril du silence, je dois me taire. Prenez garde, fit le juge. La justice ne saurait se payer de scrupules de conscience. Monsieur Patrigent se tut. Il attendra une réponse, elle ne vint pas. Vous obstinez, reprit-il. Eh bien, poursuivons. Vous avez depuis un an dépensé, dites-vous, 50 000 francs. La prévention dit 70 000, mais prenons votre chiffre. Vos ressources sont à bout. Votre crédit est épuisé. Continuer votre genre de vie est impossible. Que comptiez-vous faire? Je n'avais aucun projet, monsieur. Je m'étais dit, ça ira tant que ça pourra. Et après ? Et après, je puisserai à la caisse, n'est-ce pas ? Eh, monsieur, s'écria Prosper, je ne serais pas ici si j'étais coupable. Je n'aurais pas été si sot de retourner à mon bureau. J'aurais fui. Monsieur Patrigent ne put dissimuler un sourire de satisfaction. Enfin, dit-il, voilà l'argument que j'attendais. C'est précisément en ne prenant pas la fuite, en restant, pour faire tête à l'orage, que vous prouvez votre intelligence. Plusieurs procès récents ont appris aux caissiers infidèles que la fuite à l'étranger est un pitoyable moyen. Le chemin de fer va vite, mais le télégraphe électrique va plus vite encore. La Belgique est à deux pas. À Londres, on retrouve un voleur français en 48 heures par abonnement. L'Amérique même n'est plus un refuge assuré. Prudent et sage, vous êtes resté en vous disant « Je puis m'en tirer, et au pis-aller, si je succombe, après 3 ou 5 ans de réclusion, je retrouverai une fortune. » Bien des gens sacrifieraient 5 ans de leur vie pour 350 000 francs. Mais monsieur, si j'avais fait le calcul que vous dites, je ne me serais pas contenté de 350 000 francs. J'aurais attendu une occasion et volé 1 million. Oh, fit monsieur Patrigent, on ne peut pas toujours attendre. Prosper réfléchissait. Et la contraction de ses traits disait l'effort de sa pensée. Monsieur, dit-il enfin, il est un détail que j'ai oublié dans mon trouble, qui me revient à la mémoire et qui peut aider à ma justification. Expliquez-vous. Le garçon du bureau, qui est allé chercher les fonds à la banque, me les a apportés, lorsque je n'attendais plus que son retour pour partir. Je suis sûr, oui, je suis certain, d'avoir serré les billets de banque devant lui. Oh, s'il l'avait remarqué. Dans tous les cas, j'ai quitté mon bureau avant lui. C'est bien, fit M. Patrigent. Ce garçon sera entendu. On va maintenant vous reconduire à votre cellule, et croyez-moi, réfléchissez. Si M. Patrigent congédiait ainsi brusquement son prévenu, c'est que ce fait nouveau, qui tout à coup se révélait, l'inquiétait. La déposition du garçon de bureau allait avoir une importance énorme. Que penser si cet homme venait à affirmer qu'il avait vu le caissier refermer les billets et sortir ? Était-il impossible qu'il ait été d'avance gagné par Prosper ? Dès que le prévenu fut sorti, « Dites-moi, Sigolt, » demanda-t-il à son greffier, « ce garçon de bureau dont parle le prévenu, c'est Antonin, eh bien celui qui n'est pas venu déposer et qui a été excusé sur un certificat du médecin constatant sa maladie. » « Précisément, monsieur. Où demeure-t-il ? » « Monsieur, répondit Sigolt, il n'est plus chez lui, » m'a dit Fanferlot. « Sa blessure étant grave, et devant le retenir longtemps sur le lit, il s'est fait porter à l'hospice du bois. Eh bien, je vais aller l'interroger aujourd'hui même, à l'instant. Prenez tout ce qu'il vous faut et envoyez chercher une voiture. » Il y a loin du palais de justice à la maison du bois, mais le cocher de M. Patrigent, aiguillonné par la promesse d'un magnifique pourboire, sut donner à ses maigres rosses le train de chevaux de sang. Antonin serait-il en état de répondre ? Là était la question. Mais le directeur de la maison de santé eut promptement rassuré le juge d'instruction à cet égard. Le malheureux garçon de bureau s'était, en tombant, brisé le genou. Il souffrait horriblement, mais il avait toute la lucidité de son esprit. « Puisqu'il en est ainsi, monsieur, dit le juge, je vous demanderai de me conduire près de cet homme, que je dois interroger. Mais il faut, si faire se peut, que personne ne soit à portée d'entendre sa déposition. »« Oh, personne n'entrera, répondit le directeur. Il est dans une chambre à 4 lits, c'est vrai, mais il y est seul. » « Très bien, allons alors. » En voyant entrer le juge d'instruction, suivi d'un grand jeune homme maigre portant une serviette d'avocat, Antonin, qui sait son monde, devina ce dont il s'agissait. « Ah, dit-il, monsieur vient pour l'affaire de monsieur Berthemy. »« Précisément. » Monsieur Patrigent resta debout près du lit du malade, pendant que Sigolt, le greffier, s'établissait avec ses papiers sur une petite table. Lorsque le garçon de bureau eut répondu à toutes les questions d'usage, déclaré qu'il se nommait Antonin Poche, âgé de 40 ans, né à Cap-d'Urjac, Gironde, célibataire. « Voyons, mon ami, fit le juge, vous sentez-vous bien en état de me répondre ?»« Parfaitement, monsieur. C'est vous qui êtes allé, le 27 février, chercher à la banque les 350 000 francs qui ont été volés ?»« Oui, monsieur. À quelle heure êtes-vous rentré ?»« Assez tard. J'avais eu affaire au crédit immobilier en sortant de la banque. Il devait bien être 5 heures lorsque je suis revenu à la maison. »« Vous rappelez-vous ce qu'a fait monsieur Berthemy quand vous lui avez remis la somme ?»« Ne vous pressez pas de répondre. » Rassemblez bien vos souvenirs. Attendez, d'abord il a compté les billets, et il en a fait 4 paquets qu'il a serrés dans la caisse. Et ensuite, il a fermé la caisse. Et après, il me semble bien, mais oui, je ne me trompe pas, oui, il est sorti. Il prononça ces derniers mots si vivement, qu'oubliant son genou, il fit un mouvement qui lui arracha un cri. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites là ? Demanda le juge d'instruction. Le ton solennel de M. Patrigent parut épouvanter Antonin. Sûr ! Répondit-il avec une hésitation marquée, vous comprenez ? Je parierais ma tête à couper, mais je n'en suis pas sûr autrement. Il fut impossible de l'amener à préciser sa déposition. Il avait eu peur. Il se voyait déjà compromis. Pour un rien, il se serait rétracté. L'effet n'en était pas moins produit. Et en sortant, M. Patrigent disait à son greffier « C'est grave, très grave !» Fin du chapitre 5.